إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نعم يا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Vous avez certes dans leur histoire une exhortation pour les gens dotés d'intelligence. Il ne s'agissait pas là d'une parole inventée, mais cependant une confirmation de ce qui a précédé et un détail de toutes choses et une guidée et une miséricorde pour un peuple qui croit. L'imam Baraoui, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, dit à propos de ce verset, l'accord des Kanef Kisasihim, vous avez ça dans leurs histoires, c'est-à-dire l'histoire de Youssouf, car là-bas ce verset a été révélé dans l'histoire de Youssouf. Donc l'histoire de Youssouf et dans ses frères, vous avez une grande leçon à tirer. Les Oulil Al-Bab, ceux qui raisonnent, ceux qui réfléchissent. ما كان يعني القرآن حديثا يفترى. Cette parole inventée, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'une parole inventée, c'est-à-dire le Coran, donc une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. أي يفترى ولكن تصدق الذي أي لكن كان تصدق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل. C'est-à-dire que ce Coran est une confirmation de ce qui a précédé comme histoire citée dans les livres précédents qui sont la Torah et l'Injil. وتفصيل كل شيء مما يحتاج العباد إليه. Et un détail de toutes choses ce dont ont besoin les serviteurs. من الحلال والحرام والأمر والنهي. Comme ce qui est licite, ce qui est illicite, et comme ordre et comme interdiction. وهدى ورحمة بيانا ونعمة لقوم يؤمنون. C'est-à-dire une guidée, une miséricorde, et ainsi qu'un éclaircissement et un bienfait pour un peuple qui croit. Donc dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous a révélé l'histoire des peuples antérieurs dans son livre. Tout comme il en a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bil wahi, mima ja'a fi sunnah. Ces histoires afin que l'on tire leçon et exhortation et d'agir en conséquence dans ce qui est conforme avec notre législation. Et parmi ces histoires rapportées par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam des communautés antérieures, il y a celle qui est connue comme étant Qissat al-Ghulam والساحر أو الراهب, qui est l'histoire du jeune garçon avec le sorcier ou alors le jeune garçon avec le moine. Et ce hadith a été rapporté par Muslim et par d'autres. Et cité par l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son livre Riyad al-Salihin dans Bab al-Sabr, parce que cette histoire va comporte comme enseignement basé essentiellement sur la patience face à l'épreuve. يقول عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما يعلمه فبعث إليه غلاما يعلمه. Donc il y avait auparavant avant vous un roi qui avait un sorcier à son compte. Et lorsque le sorcier a grandi en âge, il dit au roi, j'ai certes vieilli, alors envoie-moi un jeune garçon afin que je lui enseigne la sorcellerie. Chose que le roi fit. فَكَانَ فِي تَلِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ. Et donc ce jeune garçon, sur son chemin, lorsqu'il se rendait auprès du sorcier pour apprendre, il y avait un moine. Donc il s'est posé avec lui pour l'écouter et ce qu'il a entendu de lui a plu. فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِرَاهِبٍ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى رَاهِبٍ فَقَالَ إِنْ خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرَ. Donc lorsqu'il s'est rendu auprès du sorcier, il est passé par ce moine pour l'écouter. Puis, lorsqu'il arrivait en retard auprès du sorcier, ce dernier le frappait pour le punir. Donc, de là, le garçon s'est plaint auprès du moine de ce qu'il subissait. Et de là, le moine lui a dit, si jamais tu crains le sorcier, alors dis que les tétiens, tes proches t'ont retenu, t'ont mis en retard. Et si jamais tu crains que tes proches ne te frappent, c'est-à-dire quand tu arrives du chemin du retour, alors dis que c'est le sorcier qui t'a mis en retard. فَبَيْنَمَا وَكَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسِ فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ أَسَاحِرُ أَفْضَلُ أَمَ رَاهِبُ أَفْضَلُ. Et un jour, sur son chemin, il se trouva face à une bête immense, une bête sauvage, qui empêchait les gens de passer, car elle mettait leur vie en danger. Elle pouvait les attaquer. Donc il a dit, aujourd'hui, je vais savoir qui est meilleur des deux. Est-ce le sorcier ou est-ce le moine ? فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ رَاهِبٍ أَحَبِّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاكْتُلْ هَذِي دَبَّ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسِ. Donc il a pris une pierre et il a dit, oh Allah, si l'affaire du moine est plus aimée auprès de toi que celle du sorcier, alors tue cette bête afin que les gens puissent passer. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسِ. Donc de là, il a jeté la pierre qui tua la bête et les gens purent passer. فأتى راهب فأخبره فقال له راهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى. Donc là il s'est rendu auprès du moine et lui a raconté ce qui s'est passé. De là le moine lui a dit, oh mon tendre enfant, tu es aujourd'hui devenu meilleur que moi car je vois les choses que tu accomplis. وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي. Et certes tu vas être éprouvé. Et si jamais tu te fais éprouver, alors n'indique pas ma personne, ne parle pas de moi. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. Donc ce jeune garçon justement guérissait l'aveugle-né, le lépreux et guérissait les gens de toute forme de maladie. فسمير جليس للملك كان قد عميا فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيت شفيتني. Donc un parmi les conseillers du roi, de ce même roi là, un de ses ministres qui était devenu aveugle, a entendu parler de ce jeune garçon. Il s'est rendu auprès de lui avec plein de présents, plein de cadeaux, et lui a dit, tout ce que tu vois là devant toi est à toi si tu me guéris. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله. Donc il lui a dit, moi je ne guéris personne, c'est juste Allah qui guérit, mais si jamais toi tu crois en Allah, alors j'invoquerai Allah pour toi et il te guérira. Donc il a cru en Allah et il fut guéri. فآت الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. Donc de là il s'est rendu auprès du roi à nouveau comme à son habitude et le roi constata qu'il avait retrouvé la vue et il lui a dit, qui donc t'a rendu la vue? Il a dit, mon seigneur. Le roi lui dit, as-tu donc un seigneur en dehors de moi? Il lui a dit, mon seigneur et ton seigneur c'est Allah. Donc de là le roi l'a saisi, l'a fait saisir et n'a cessé de le torturer jusqu'à ce qu'il indique le jeune garçon. فَجِيَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ. Donc de là l'enfant fut ramené au roi. Donc le roi l'a reconnu, le dit, oh mon garçon, ta sorcellerie est arrivée au stade que tu en arrives à guérir l'aveugle-né et tu guéris le lépreux et tu fais et tu fais et tu fais. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء راهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بمنشار فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار أو المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. Donc de là l'enfant lui a dit à cet homme, au roi, moi je ne guéris personne et seulement Allah qui guérit. Donc de là le roi le saisit et le tortura jusqu'à ce qu'il indique où se trouvait le moine. Il lui parle du moine. Donc de là, le moine fut amené au Côte du Roi. Il lui a dit, il lui a été dit, délaisse ta religion et la refuser. Donc de là, il demandait une scie. Cette scie fut posée à la moitié de sa tête. Et de là, elle fut sciée au point qu'elle fut coupée en deux. C'est-à-dire sa tête fut coupée en deux. Ensuite, on lui apporta le conseiller qui avait retrouvé la vue. Et il lui fut dit la même chose, de délaisser sa religion. Et il refusa. Et il subit le même sort que le moine. Sa tête fut sciée en deux. ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع دينك. Donc là, il faut dire au garçon de revenir également de sa religion. فابى فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن ديني والا فتروحوه. Donc de là, le garçon refusa. Bien sûr, il fut livré à des hommes du roi. Et il lui dit, ou il leur dit plutôt, prenez-le et montez dans telle et telle montagne, jusqu'à atteindre son sommet. Et une fois arrivé au sommet, soit il revient de sa religion, ou soit vous le jetez. فَذَهَبُوا بِهِ فَسَعُدُوا بِهِ الْجَبَلِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِ بِمَا شِتْتَ فَرَجَفَ بِهِمَ الْجَبَلِ فَسَقَطُوا وَجَاءَ إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ. Donc ils grimpèrent avec lui cette montagne. Et de là, l'enfant invoqua, oh Allah, débarrasse-moi d'eux comme tu le veux. De là, la montagne se mit à trembler. Et ils tombèrent, tous, sauf lui. Et de là, il se rendit à nouveau auprès du roi. Et le roi lui dit, qu'ont donc fait les gens qui t'ont pris avec eux? Et il a dit, Allah m'a débarrassé d'eux. فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اِذْهَبُوا بِهِ فاحملوه في القرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإليه فاكذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفينهم بما شئت فانفكأت بهم السفينة فعلقوا وجاء يمشي للملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفنيهم الله. Il le donna, le roi le donna une fois de plus à d'autres de ses hommes et il leur dit, prenez-le, aller avec lui en mer, en milieu de la mer, sur un bateau. Soit il délaisse sa religion, soit vous le jetez à l'eau. Donc, ils accomplirent l'ordre, et de là, une fois en mer, le bateau se retourna. Et tous se noyèrent à part l'enfant, qui finit par revenir auprès du Malik, auprès du roi. Et il lui dit, qu'ont fait les hommes qui étaient avec toi? Il a dit, Allah m'a débarrassé d'eux. فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلْ مَا أَمُرُكَ بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمِعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَسْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ قِنَانَتِي ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. Il a dit au roi, tu ne pourras certes me tuer tant que tu ne feras pas ce que je vais t'en donner. Et le roi l'a dit, de quoi il s'agit? Il a dit, tu rassembles les gens en un même lieu. De là, tu m'attaches au tronc d'un arbre. Puis, tu prends une flèche de mon arc, tu places cette flèche, tu prends une flèche de mon carquois, tu poses cette flèche dans mon arc, et là tu dis, Bismillah, au nom d'Allah, le Seigneur de l'enfant. Puis, tu tires sur moi. Et si tu fais cela, tu me tueras. فجمع الناس في صعيد واحد فصلبه على جذع ثم اخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب العلام ثم رماه فوقع السهم في صدعه فوضع يده في صدعه في موضع السهم فمات. Donc de là, le roi accomplit ce que l'enfant lui a dit. Il tira la flèche en disant bismillah rabbil ghulam, après avoir réuni tout le monde en un seul lieu, l'avoir ligoté à un arbre. Et de là, la flèche arriva directement dans sa tempe, la tempe de l'enfant, qui posa sa main sur la tempe et mourut sur le champ. فَقَالَ النَّاسِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَوُتِيَ بِالْمَلِكِ فَقِلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذْرَكَ أَوْ حَذْرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسِ. Donc les gens sont mis à dire, Nous croyons au Seigneur du garçon. Nous croyons au Seigneur du garçon. Nous croyons au Seigneur du garçon. Et de là, le roi fut informé de cela. Il lui a été dit, as-tu vu ce que tu craignais ? Eh bien, cela finit par arriver. Tout le monde, maintenant, croit. C'est-à-dire, au Seigneur de l'enfant. فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السَّكِكِ أو السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَدْرَمَ عَنْ يِرَانِ وَقِيلَ مَنْ لَمْ يَرْجِعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْحِمُوهُ فِيهَا أو قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتْ مُرْأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ يَا أُمِّ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ. Donc de là, il fut ordonné de creuser des fosses à l'entrée de la ville, dans lesquels furent allumés des feux. Et il dit, celui qui ne revient pas dans sa religion, alors jetez-le dans le feu, ou dites-lui qu'il rentre dans le feu. Et ils firent cela. Puis vint une femme portant un bébé, qui déjà craignait de se jeter dans le feu. L'enfant s'est mis à parler en lui disant, ô chère mère, fais preuve de patience, car certes tu as cela la vérité. Naam. Donc il s'agit là de cette histoire qui est extraordinaire. Et qui est véridique, qui s'est déroulé dans les communautés antérieures qui étaient parmi les Nasara, qui étaient ceux qui sont venus après Isa, avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On aimerait commenter certains passages, ou passage par passage, ce hadith, afin d'en tirer certains enseignements, ou à part le fawaïd al-mufida. في قوله صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. Qu'il y avait avant vous un roi et qu'il avait avec lui un sorcier. Cela nous indique que les gens de pouvoir utilisent des gens corrompus pour imposer leur autorité et assouvir leur désir qui t'employe les pires des gens. وكذلك كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Et c'est de la sorte que nous rendons alliés certains à d'autres parmi les injustes, pour ce qu'ils ont accompli. Donc comme lui a dit le Malik, le sorcier, qu'il avait pris de l'âge, qu'il fallait lui envoyer un roulem, un jeune garçon, ou allimuhu as-sihr, que je lui enseigne la sorcellerie. Donc il a demandé à un enfant, jeune. Ce qui prouve que les gens du mal investissent énormément pour que leur mal perdure. Et ils cherchent la relève. Et leur enseignent, et les endoctrinent, cela de plus jeune âge. Et Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit à propos de cela que le choix d'un enfant pour l'enseignement, pour qu'il apprenne, cela est meilleur. Ce hadith nous montre que cela est meilleur. Limaza ala lifawaid thalath. Al-fayda al-oula, première raison, أن الشاب في الغالب أصلح الظلم الكبير لأن الشاب فارغ البال ليست عنده مشاكل توجب انشغاله car le jeune généralement mémorise et assimile beaucoup plus vite que le grand, c'est-à-dire dans ce qui est du hifz, mémorisation. Pourquoi? Car le jeune souvent n'a pas les soucis pour les préoccupations que peut avoir le grand, l'adulte. وثانيا أن ما يحفظه الشاب يبقى وما يحفظه الكبير ينسى. ولهذا كان من الحكمة الشائعة بين الناس إن العلم في الصغار كالنقش في الحجر لا يزول. Et également, ce que le jeune mémorise généralement reste, alors que ce que le grand adulte mémorise s'oublie. C'est pour ça que les gens disent souvent, parmi les sagesses, par rapport à cela, que le ilm pris dans l'enfance est comme une gravure dans la roche. C'est-à-dire, ça ne part pas. Ça ne part pas, en général. والفائدة الثالثة وهي أن الشاب إذا ثقف العلم من أول الأمر صار العلم كسجية أو طبيعة له وصار كأنه غريزة قد شبع عليه فيشبع عليه. Donc il a dit troisième faïda, c'est que justement lorsque le jeune évolue sur le ilm, alors cela devient en lui naturel. Apprendre, assimiler, étudier, et la compréhension qui vient par la suite, c'est devient pour lui normal. Ça devient en lui par la suite. ثم قال في الحديث que cet enfant a eu son chemin un moine. راهب. راهب c'est le moine. الذين تفرعون العبادة من النصارى. Ce qui prouve que ce hadith concerne les Nassara. Quand Rahim, c'est chez les Nassara qu'on trouve qui voit un moine. Donc il a entendu la parole de ce moine, Samira Kalamahu fa'ajabahu, parole qui lui a plu. Limaza, car ce moine était sur le haq, était un croyant, parmi les gens de l'époque. Wa al-wahid nur, la révélation est une lumière qui rentre dans les cœurs. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Donc, entendre la vérité pour un cœur sain et serein, cela l'apaise et cela lui plaît. Mais ce jeune garçon, lorsqu'il se rendait auprès justement du sahir, marra bi rahib wa qa'ada ilayhi. Fa'idha ata sahir darabahu. Donc, lorsqu'il se passait par ce moine, pour se rendre auprès du sorcier, cela le mettait en retard. Donc, une fois arrivé auprès du sorcier, ce dernier le frappait, en guise de punition. Donc là, le rahib lui a donné un conseil pour éviter cela. Il lui a dit, si jamais tu crains que le sorcier ne te frappe, dis que la cause de ton retard, c'est ta famille. Et si jamais tu crains que, à l'inverse, que ta famille te frappe, quand tu passes par moi, dis alors que c'est le sorcier qui t'a retenu. Et de là, certains ulama, comme An-Nawawi rahimahullah ta'ala, servent de ce paragraphe-là pour dire qu'il est permis de mentir en temps de guerre. Mais cela était peut-être propre à leur révélation, à leur législation. Car nous, en religion, en islam, le mensonge est interdit. Et les choses qui ont laissent penser que le mensonge est permis en islam, le sens voulu, c'est le tawriya, c'est-à-dire les allusions. Faire croire à la personne que tu dis une chose alors que toi tu en veux une autre. Sans quoi le mensonge en soi est une khiyana. N'est pas permis. N'est pas permis. Puis dans le hadith, il cite que Bainama wa kadhalika iz ata ala dabbatin azima. Que de là l'enfant est passé sur le chemin coupé par une bête. Un animal immense qui empêchait les gens de passer, car ils avaient peur de lui, de peur de ne se faire dévorer, de se faire tuer par l'animal. Aujourd'hui, je vais savoir, est-ce que le sorcier est meilleur ou bien le moine est meilleur? Car il était entre les deux, bien qu'il aimait que ce que le moine lui disait. Donc de là, il a pris une pierre. Faqala Allahumma in kana amru arahim ahabba ilayka min amri sahir faqtul hadhi dabba. Donc là, il a dit, oh Allah, si l'affaire du moine est meilleure auprès de toi que celle du sorcier, alors tue cette bête afin que les gens puissent passer. On peut comprendre de ce passage que les musulmans ne restent pas en suspens lors des fitaines, lors des troubles. Il essaie de distinguer le vrai du faux, connaître le haq pour s'y attacher et agir en conséquence et le secourir, et connaître le faux pour s'en éloigner et le repousser. Car l'enfant, bien qu'il aimait les paroles du moine, est également perplexe du fait qu'il apprenne des choses avec le sahir. Et également savoir la vérité pour savoir qui est sur la vérité pour le secourir et qui est sur le faux pour pouvoir le délaisser. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ansur akhaka zaliman aw mazlouma. Secours ton frère qui soit lésé ou injuste. Il expliquait, le lésé, cela est clair, et l'injuste, c'est en fait le secourir sans empêcher de faire du mal. Mais comment distinguer cela si on ne sait pas? Donc il ne faut pas être adepte du slogan je ne rentre pas dans la fitna quand ceci a lieu dans la religion et qu'il y a haq et un batil. Sans chercher à comprendre, d'accord, ou qui voit deux choses devant lui opposées, qui vont juste sa religion. Et ils te disent, moi, je ne suis pas dans la fitna. Celui qui agit comme ça, la fitna, il va tomber dedans les pieds joints, directement. Quand le ta'ala, au minhum man yakul, azinni wa la taftinni, ala fil fitnati saqatu, à propos des munafiqin, ils ont dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, permets-moi, c'est-à-dire de ne pas venir, et ne m'éprouve pas. N'est-ce pas donc dans la fitna qu'ils sont tombés directement en voulant éviter, en réalité ils sont tombés dedans. Et ceux qui agissent de la sorte en général ne le font que par peur d'affronter. Donc, résultat, ils finissent derrière, à la traîne, et se voient abandonnés sans tawfiq dans beaucoup de hell, fi hayatim dans leur vie. car Allah Azza wa Jalla, à propos de ces gens qui ont abandonné, son prophète leur dise فَقُلْ لَنْ تُخْرِجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ رَدِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. Lorsque ces gens, après par exemple, ont voulu se ressaisir et venir avec lui, Allah dit à ce prophète de leur dire, dans le sens, dis-leur, vous ne sortirez jamais avec moi et vous ne combattrez avec moi aucun ennemi. Vous avez certes aimé rester derrière la première fois, alors restez avec les transgresseurs derrière. C'est-à-dire qu'à part la suite, tu n'as plus de tawfiq pour aller de l'avant et agir. Car connaître le haq demande d'agir et aller de l'avant. Et ce garçon, Azal Roulem, l'a bien fait, il ne s'est pas sauvé devant cette bête en disant « Je ne veux pas de problème, que les gens se débrouillent. » Là, mais son ami Allah Azza wa Jal, « Fawada amrahu ila Allah, bidu'aihi » en l'invoquant, sincèrement pour connaître la vérité. Faqala, en l'invoquant, « Allahumma uktul hadi dabba hatta yamdi an-nas » il a dit « Oh Allah, tue cette bête avant que les gens puissent passer. » Donc là, il a attribué le résultat à Allah Azza wa Jal. Lui n'a fait que la cause qui est à sa portée. Car qu'est-ce qu'un jeune garçon pourrait faire juste armé d'une pierre face à une bête gigantesque ? Comme qu'Allah Ta'ala, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Lorsqu'il a dit à son prophète, vous ne les avez pas tués, mais cependant c'est Allah qui les a tués. Et tu n'as pas jeté lorsque tu as jeté, mais c'est Allah qui a jeté. Par un jet de la main du Nabi Sarsam qui a pris une poignée de sable, qui l'a lancé vers l'ennemi. Et ce sable s'est éparpillé dans les yeux de l'ennemi. Complètement. Donc toi tu fais la cause, mais le résultat revient à Allah. Donc de là, il a jeté la pierre et il a tué l'animal. Et les gens peuvent passer. Ce qui prouve que Allah Azza wa Jal répond aux demandes de son serviteur. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah il a dit à propos de Youssouf, lorsque ses femmes ont voulu le séduire, il a dit qu'il lui a répondu, parce que Youssouf l'a demandé, de le détourner de ce macre, quitte à aller en prison. Donc de là, Allah lui a répondu et a détourné de lui leur complot, et les certes, celui qui entend tout est l'omniscient. Subhana. Cela montre la différence qu'il y a entre les alliés d'Allah qui font des miracles et ceux de Shaitan, comme ce sorcier par exemple, qui use de sihr et autres. Et les miracles d'Allah, regardez bien, ne demandent pas d'expérimenter, une personne d'être expérimentée, d'être expert, connaisseur. Ils peuvent être accordés immédiatement, même à un enfant. Et sans forcément le demander, l'enfant n'a pas demandé les miracles qui vont suivre par la suite. Ou également comme ce nouveau-né qui va parler à la fin du hadith. Allah Azza wa Jal accorde des miracles à qui il veut. Adulte, enfant, savant, ignorant, tant que personne n'est un de ses alliés. Ce garçon n'a fait que demander à Allah Azza wa Jal de lui montrer la vérité. Contrairement au sihr, la sorcellerie qui elle demande un certain savoir, donc du temps, et d'accomplir des rites. Le miracle, lui, vient automatiquement. Et comme on dit, il peut venir sans qu'on le demande. Si Allah a décidé que celui-ci doit avoir lieu. فَأَتَى الرَّاهِبْ فَأَخْبَرَهُ فَقَلَ لَهُ الرَّاهِبْ أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى. Donc là, il s'est rendu auprès du moine pour l'informer de cela. Et le moine lui a dit, « Oh jeune garçon, mon garçon, tu es devenu aujourd'hui meilleur que moi, car tu as atteint tel et tel niveau que je constate. » Cela nous montre que le débutant peut devenir meilleur que l'ancien. Naam. Et que l'élève peut même surpasser son cheikh dans le mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et apporter un bien plus grand encore que ce que son cheikh aurait pu faire, comme cet enfant va faire par la suite, comme cause de guider des gens, par rapport à ce moine qui, lui, était dans son coin caché. Bien que celui qui t'aura précédé dans le khayr aura toujours un mérite également. Et celui qui t'aura appris aura également toujours un fadl sur toi. Bi'idhnillah ta'ala. Donc de là, le moine lui a dit, innaka satubtala, fa in ubtilita, fala tadulla alayya. Tu vas être éprouvé. Et si jamais tu l'es, alors ne parle pas de moi, ne m'indique pas. Par peur de subir ce qui pourrait ne pas supporter de ce que lui pensait, bien évidemment. Ce qui montre que celui qui est sur le haq apparent sera forcément éprouvé. Et l'homme de science le sait déjà. Comme Allah Ta'ala, inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. Nous allons faire descendre sur toi une parole lourde, c'est-à-dire lourde de sens et lourde en conséquence à son prophète. Le Coran qui t'est venu va amener ce que tu vas subir des choses immense par la suite. Comme dans le hadith de Aïcha au début de la révélation, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril, qui lui a parlé, qui lui a révélé les premiers versets, et qu'il a ramené cela à Khadija, radiyallahu anha, qu'elle s'est rendue auprès de lui, avec lui plutôt, auprès de Waraq ibn Nawfal, qui était lui un Nasrani à l'époque, et qui connaissait le Wahi. Et lorsque Waraq a entendu la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a vécu, il lui a dit, celui qui était venu est le même qui est venu à Moussa, en parlant de Jibril. Et il a dit, pauvre de moi que je ne sois présent le jour où ton peuple va t'expulser. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est mort, vont-ils donc m'expulser? Il lui a dit, naam, lam yati ahadun bi muslima jitabi illa uudiya, que personne n'est venu avec le message que tu détiens sans qu'il n'ait été pris en ennemi. Donc, tu as le haq, tu y appelles, tu seras éprouvé, inévitablement. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحبكم من ابتلاهم فمن رضي الله فمن رضي فلو رضا ومن سخط فلو سخط. Donc il a dit, le Nabi صلى الله عليه وسلم, que la grandeur de la rétribution est en mesure de la grandeur de l'épreuve, et que si Allah aime un peuple, il les éprouve, et celui qui agresse cela aura l'agrément d'Allah, et celui qui s'en irrite aura le courroux d'Allah. Azza wa Jal. Donc, ce ghulam, par la permission d'Allah Azza wa Jal, pouvait guérir l'aveugle-né, le lépreux, et guérir les gens de toute forme de maladie. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala a dit que le fork avec Isa et ce jeune ghulam, c'est que Isa faisait cela directement, alors que ce jeune garçon lui invoquait Allah pour que cela puisse se produire. Comme dans le hadith, cela va t'expliquer. Isa, lui, faisait la chose et elle s'accomplissait directement. Biznillah. Alors que ce jeune garçon, lui, invoquait Allah pour que cela se produise et cela se produisait. Biznillah. Ensuite, dans le hadith, il est dit que Jalis al-Malik kana qad amiya fa'atahu bihadaya kathira. فَقَالَ مَا هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُوا إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي أَوْ شَفَيْتَنِي. Donc ce conseiller du roi, qui était devenu aveugle, a entendu parler de ce jeune garçon. Il s'est rendu auprès de lui avec plein de présents. Il lui a dit, tout ce que tu vois là est pour toi, si jamais tu me guéris. Cela montre le mérite de la bonne santé, le fadl de ta bonne santé. Car les gens malades, même riches, sont prêts à dépenser tout leur bien pour retrouver leur santé. Les membres perdus, ou l'essence perdue ou autre. Et à faire des parcours immenses pour cela. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان معبودون كثير معبودون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit qu'il y a deux grands bienfaits dans lesquels les gens sont très négligents, face auxquels les gens sont très négligents. Il a dit la bonne santé et le temps libre. Quand on est en bonne santé, on ne se rend compte que quand? Lorsqu'on tombe malade. وَلِعَذُ بِاللَّهِ نَسَلَ اللَّهِ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ. Également, cette partie nous montre que les personnes étant sur mauvaise aqidah, car ce conseiller n'était pas croyant à ce moment-là, attribuent le résultat à la créature et se remettent à elle et font d'elle une cause directe. Tu vas voir les kuffars, lorsqu'ils ont une maladie, ils vont presque supplier le docteur de les guérir. Et si ils ne sont pas guéris, ils vont s'en prendre au docteur, que ce soit lui. C'est de sa faute que, mathalène, le résultat n'ait pas eu lieu. Et donc là, le roulem lui a dit à cet homme, إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. Moi je ne guéris personne, c'est Allah qui guérit. Mais si jamais tu crois en Allah, j'invoquerai Allah qui te guérira. Donc de là l'homme a cru en Allah et Allah l'a guéri. Donc cela, cette partie-là nous montre que parmi les signes, les gens véridiques et sincères, qu'ils attribuent le mérite à l'ayant droit. C'est-à-dire que là, ce jeune garçon n'a pas dit je vais te guérir, mais il a dit moi je ne guéris personne, c'est Allah qui guérit. Il aurait pu s'en servir pour son propre intérêt et appeler les gens à lui-même. Mais non, car il est sincère. D'où le fait qu'il était parmi les awliyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, ce jeune garçon, justement, en a fait un moyen de da'wah, en l'appelant à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prédicateur, on en tire comme leçon, que le da'i doit saisir ses occasions lorsque les kuffars se tournent vers lui pour un besoin et ne voient d'issue que par son biais. Toi, tu es un musulman et un kafir a besoin de toi pour une chose. Et il s'en remet à toi, prends l'occasion pour l'appeler, justement. Comme l'a fait Youssouf, alayhi salam, lorsque justement ces gens en prison ont voulu savoir de lui l'interprétation de leur rêve. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Aucune nourriture ne vous parviendra sans que je ne vous ai déjà auparavant donné l'interprétation de son rêve. Et cela, c'est parmi ce que mon Seigneur m'a enseigné. ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّي. Ce que je vais vous dire, c'est ce que mon Seigneur m'a enseigné. Il a dit, certes, j'ai délaissé des peuples qui ne croyaient pas en Allah Azzawajal et qui étaient mécréants envers l'au-delà. Puis il leur dit, يَا صَحِبَ السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Il a dit, oh mes compagnons de prison, est-ce que des différents ou plusieurs seigneurs sont meilleurs ou bien Allah le seul est le dominateur? Car vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez nommé vous-même ainsi que vos pères, vous avez inventé vous-même ainsi que vos pères, dont Allah n'a fait descendre aucune preuve. Et le jugement ne revient qu'à Allah. Et il a ordonné de n'adorer que lui. Et cela est la religion droite, cependant, la plupart des gens ne savent pas. En réalité, nul ne guérit, si ce n'est Allah, Jalla fi'ula. Nul ne sera une cause de guérison, si ce n'est avec sa permission. Aussi compétent soit-il. الذي خلقني فهو يهدين والذي ويطعمني ويشقي أو يسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. Ibrahim il a dit à propos de son Seigneur, dans le sens, il est celui qui m'a créé, il est celui qui m'a guidé ou qui me guide, il est celui qui me nourrit et celui qui m'abreuve, et si jamais je tombe malade, c'est lui qui me guérit et celui qui me fera mourir et qui me fera revivre. Et at-tabib, le médecin, min asma illa azza wa jalla, comme déjà fait le hadith, qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah wa tabib. Certes, c'est Allah le médecin. On voit également dans ce paragraphe le mérite de la foi en Allah. Le croyant peut obtenir ce que ne peut obtenir le kafir par sa foi. Ou le contraire également. Il peut subir ce dont sera épargné le kafir. Mais pourquoi? Pour éprouver sa sincérité et pour pouvoir également égarer le kafir qui va se croire meilleur. Le conseiller est retenu auprès du roi, comme à son habitude, comme on l'avons dit, et de là le roi lui a dit, qui donc t'a rendu la vue? Qala Rabbi, mon Seigneur. Qala walaka Rabbun ghayri, as-tu donc un Seigneur en dehors de moi? Il lui a dit, Rabbi wa Rabbuk Allah, mon Seigneur et ton Seigneur Allah. Donc de là le roi l'a saisi. Et il a cessé de le torturer jusqu'à ce qu'il indique le jeune garçon. On prend de cette partie-là que les gens du pouvoir sont les plus à même de vouloir être adorés pour l'autorité que Allah leur a accordée sur les gens. Al-Wattarut. Et lorsqu'ils ne mettent pas justement cette autorité à son service, au service de la religion. Ces gens-là prétendent à la seigneurie, à Rububiyya, du fait qu'ils croient avoir la capacité de pouvoir décider de la vie ou de la mort et du sort des gens. Comme Ibrahim avec le roi Namrud, lorsqu'il lui a dit, Alam tara allazi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk. Et qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. N'as-tu pas vu celui qui a débattu avec Ibrahim du fait que celui-ci a reçu justement la royauté? Cela l'induit en erreur. Donc il a voulu débattre avec Ibrahim par rapport au pouvoir qu'il avait. Donc Ibrahim lui a dit, mon Seigneur, donne la vie, donne la mort. Il a dit quoi, Namrud? Il dit, moi également, je donne la vie, je donne la mort. Car lui peut dire, un tel, tuez-le, et un tel, laissez-le en vie. Et Fir'aoun, كذلك, da'a al-rububiyya, qala ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Et il a voulu imposer cela aux sorciers, lorsque ces derniers ont cru en Moussa, lorsqu'ils ont vu les miracles. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا شد عذابا وأبقى. Ils ont dit, il leur a dit quoi? Il leur a dit, avez-vous donc cru avant que je ne vous donne la permission? Il s'agit là de votre grand maître, c'est-à-dire en parlant de Moussa, qui vous a enseigné la sorcellerie. Je vais certes vous amputer les membres de côté inverse et vous crucifier sur le tronc d'un palmier. Et vous allez savoir qui donc est le plus dur en châtiment et plus durable. Pharaon a voulu faire peur à ses sorciers lorsqu'ils ont cru. Comme ce roi qui a voulu faire peur à ce djihadiste, comme il voudra le faire avec ce Mohanek, l'enfant par la suite. L'enfant fut ramené au roi. فقال له الملك أي بنيّ قد بارا من سحرك ما تبرئه الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل الذي أو من enfant en étant impressionné, je vois donc que ta sorcellerie t'a emmené au stade de pouvoir guérir les gens et d'accomplir telle et telle chose. Cela nous montre quoi? Que le kafir considère les miracles d'Allah Azza wa Jalla comme étant de la sorcellerie. Lorsque Isa alayhi salam a accompli des miracles pour pouvoir convaincre les koufars de Bani Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Lorsqu'ils leur apportaient les preuves, ils ont dit cela est de la sorcellerie évidente. Donc de là, l'enfant lui a répondu au roi, je ne guéris personne, c'est juste Allah qui guérit. Donc comment le roi a réagi à ce moment-là? Comme pour le Jalis, il l'a saisi, il l'a torturé, jusqu'à ce que l'enfant dénonce et indique le moine. De là, le moine fut convoqué et lui fut imposé de délaisser sa religion. Fa'aba, il a refusé. Donc de là, ils demandèrent une scie et la posèrent sur sa tête. Tout ça en vue de le dissuader, car ils auraient pu le tuer d'un coup d'épée directement. Non, ils font cela pour lui faire peur, petit à petit. Et également, en guise d'exemple pour les autres, pour dire, regardez ce qu'on va lui faire, et ce qui vous attend vous également si vous n'agissez pas selon nos désirs. Donc, ils lui ont scié la tête en deux. Malgré cela, le moine est resté ferme. Et également, le djihadiste, ils n'ont fait pas avec lui. Il est resté ferme. Il n'a pas abandonné sa religion. Car lorsque la foi véritable est dans le cœur, d'accord, Allah waffaq le abd. Comme dans le hadith de Anas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit que trois choses, celui qu'ils aura connu, aura goûté à la foi, à la saveur de l'iman. Et parmi elles, il a dit, an yakrah an yaouda fil kufr ba'dan kazahu Allah minhu kama yakrahu an yukzafa fil nar. Que la personne détesterait retourner dans la mécréance après qu'Allah en est sorti, tout comme elle détesterait être jetée au feu. Donc ces gens-là ont fait preuve de sabat. Ensuite, le roi réclame à l'enfant et lui fait imposer la même chose, de délaisser sa religion. Et cela nous montre, nous indique que ce moine avait raison au début, parce qu'il lui a dit, ça tout à l'heure, tu vas être éprouvé, mon garçon. Mais le moine également était éprouvé. Et le djihadiste également était éprouvé. Et d'autres gens vont l'être par la suite également. Est-ce que les gens pensent-ils qu'on va laisser les dire, qu'on va les laisser dire nous croyons et ne seront pas éprouvés? Nous avons certes éprouvé ceux d'avant eux, comme ce hadith le démontre. Ceux d'avant nous ont été éprouvés. Et ce hadith indique également que ni les juifs, ni les yahouds, ni les nasara nous agréeront tant qu'on ne sera pas sur leur religion. Et ils auront de tout leur pouvoir pour imposer leur doctrine, quitte à employer la force si l'occasion se présente. Et d'autres moyens. Comme aujourd'hui, Masalène, avec la France, qui se passe en France actuellement, avec leur charte des principes de l'islam de France. Qu'est-ce qu'ils veulent? Imposer les gens à mécroire, mais ils le disent indirectement. Ils prétendent que l'islam, hein, l'islam, ils ne s'en prennent pas à l'islam, mais ils visent l'islamisme. Et cet islamisme, en réalité, c'est l'islam qu'ils visent par là. Mais change les noms. Pourquoi? Pour ne pas faire fuir les gens. Pour ne pas dire qu'en fait, non, c'est l'islam qu'on veut. Mais c'est l'islam qu'ils veulent. Et ce sont les croyants qu'ils veulent. Bihamdillahi ta'ala, cela est facile comparé aux communautés antérieures. Car aujourd'hui, la France ne torture pas les gens. Ne donne pas avec des scies ou avec des salles de torture ou autres. Mais ils le font avec la dunya. Pour tenter des gens et leur acheter leur iman. Regardez la dureté de l'épreuve des gens des communautés précédentes. Al-Khabbab ibn Arat, le sahabi qui a dit qu'ils se sont rendus auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam parce que les mouchriques de Quraysh leur faisaient subir les pires sévices. Ils ont dit, ne vas-tu pas invoquer Allah pour nous? Ne vas-tu pas nous secourir? فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجهل فيه فيجاء بالمنشار فيدع المنشار على رأسه فيشق باثنين وما يسده عن ذلك عن دينه ومشط بمشاط الحديد ما دون لحمه وعظم وعصب وما يسده ذلك عن دينه والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذيب على غنمي ولكنكم تستعجلون il a dit aux sahaba vous l'a dit avant vous l'homme était éprouvé on creusait une fosse dans la terre on l'y mettait la personne après on venait qu'une scie et on le scie la tête en deux comme dans ce hadith ou alors on lui arrachait la peau du crâne avec un peigne de fer et cela ne le faisait pas reculer pour autant et après il a juré par Allah que Allah va accomplir son décret en sauvant la religion à tel point que l'homme pourra voyager de Sana'a jusqu'à Hadramaut, qui est une longue distance, ne craignant que Allah et le loup sur ses troupeaux. C'est-à-dire qu'il n'aura pas peur des gens, tellement les routes seront sécurisées, car les gens seront sur la foi. Il n'y aura rien à craindre, à part Allah par ses péchés, et de craindre le loup sur son troupeau. Mais cependant, vous précipitez. Il a dit aux gens, à ses compagnons, vous précipitez. Et cette précipitation, justement, ça distirgel amène les gens à tomber dans les transgressions car ils veulent tout de suite et tellement ils veulent tout de suite qu'ils en finissent par ne pas prendre les asbab shar'iyya les causes légiférées et tu sens l'exemple la Palestine regardez comment ils s'y prennent les causes prises pour secourir la Palestine ne sont pas les bonnes c'est pas en manifestant en criant dans la rue ou en faisant des attentats suicides ou autres que le secours va venir am hasibtum an tadkhulu al-jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن النصر قريب pensez-vous donc que vous allez rentrer au paradis sans avoir subi ce qu'on subit avant vous ils ont été touchés par les calamités et par les maux ils furent tremblés c'est-à-dire ils furent comment dirais-je ils furent ébranlé à tel point que le messager lui-même et ceux qui ont cru avec lui ont dit quand donc sur le secours d'Allah azawajel et n'est-ce pas que le secours d'Allah est proche elle a dit que son secours il est proche et même ce secours peut avoir lieu après la mort إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا comme sur le Nasr, sur le secours. Elle est venue pourquoi? Pour annoncer au Nabi sallallahu alayhi wa sallam que sa fin était proche. Et que l'entrée en masse des gens dans la religion, cela est lui de son vivant, et cela était encore plus grand encore après sa mort. Et également ce hadith que nous disons actuellement de ce jeune garçon, qui verra le secours après sa mort lorsque les gens vont se mettre à croire. Naam. Donc de là, le roi, pour poursuivre, a ordonné à certains de ses hommes de prendre ce jeune garçon et de monter en haut d'une montagne avec lui, au sommet de la montagne, et de lui dire également, soit l'apostasie, soit vous le jetez de la montagne. Donc de là, il s'accomplit l'ordre, et l'enfant a invoqué Allah Azzawajal, qu'il se débarrasse d'eux comme il le souhaite. La montagne se mit à trembler, ils tombèrent tous, sauf l'enfant. Et là, Kazalik, ils ont voulu quoi par là? Le roi a voulu quoi par là? Faire peur à l'enfant, car il aurait pu le tuer d'un coup d'épée. Non, monte dans la montagne, c'est-à-dire tu réalises qu'on va te tuer d'une mort douloureuse. Tu vas te voir monter, ça dure peut-être des heures, arriver en haut de la montagne, voir l'altitude, et imagine ta chute. Donc tu as le temps de réfléchir à tout ce qui va t'arriver pour que tu laisses tomber ta religion maintenant. Les techniques pour effrayer les gens, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Malgré cela, l'enfant n'a pas tressailli. Également, il leur a dit de prendre l'enfant une fois que Afwan, l'enfant a été secouru par Allah Azawajal et s'est rendu auprès du roi. Il est revenu auprès du roi. On a demandé quand la meuf à l'ashabo, qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes qui étaient avec toi? Il lui a dit, Allah m'a débarrassé d'eux. Il n'a pas dit, la terre a tremblé, ils sont tombés. Non, il a dit, Allah m'a débarrassé d'eux. Encore une da'wah pour ce Malik, pour l'appeler Allah Azawajal. C'est pas moi qui guéris, c'est Allah qui guérit. Je ne les ai pas tués, c'est Allah qui les a fait tomber. Malgré cela, le roi persiste sur son faux, appelle d'autres personnes et leur dit de prendre l'enfant, d'aller avec lui au milieu de la mer sur un bateau, et si Amine ne délaisse pas sa religion, de le jeter à l'eau. Une fois de plus, un trajet long pour aller jusqu'en mer, pour réfléchir, et malgré cela, l'enfant a invoqué Allah Azawajal. Allahu makfinim bima ashit. Oh Allah, débarrasse-moi d'eux comme tu le veux. De là, le bateau s'est retourné. Ils sont tous noyés, à part l'enfant qui est revenu. Auprès de qui? Il est revenu auprès du roi. Le roi lui a dit, ma fa'ala ashabuk, qu'ont fait les gens qui étaient avec toi? Il leur a dit, kafanihumullah, Allah m'a débarrassé d'eux une fois de plus. Donc là, Allah il défend ses alliés. Inna Allah yudafi'u 'an alladhina amanu, inna Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafur. Que certes, Allah défend ceux qui ont cru, et Allah n'aime pas tout traître mécroyant, oh mécroyant âme. Donc de là, par sa confiance en Allah Azawajal et son désir que la parole d'Allah soit la plus haute et que les gens croient, le garçon est revenu. Il aurait pu s'enfuir. Non, il est revenu. Car son but n'était pas de sauver sa vie, mais d'instaurer la croyance au détriment de sa vie, justement. Adawa al-Mujahid, Adawa bin al-Jihad. Donc il n'avait pas peur de ce roi. Donc il a dit au roi clairement, il l'a fait comprendre, tu ne pourras pas me tuer tant que tu ne feras pas ce que je vais t'ordonner. Pour lui dire que mon sort n'est pas entre tes mains. Mon sort est en les mains d'Allah Azawajal. Et pour qu'Allah me tue, obéis-moi. Donc là maintenant, c'est un enfant qui domine un roi, qui lui ordonne de faire des choses, et le roi va obéir. Quand il lui a dit justement de réunir les gens en un seul lieu, afin qu'ils voient cela, de le mettre sur un arbre, pour bien dire que je ne pourrais pas m'enfuir, devant toi et moi, prends une flèche de mon carquois. Il ne lui a pas dit prends de tes armes à toi, non, ma propre arme à moi, prends-la, mets-la sur l'arc, tire. Seulement avant de tirer, qu'est-ce que tu dois dire? Bismillah Rabbil Ulam. Dis au nom d'Allah, le Seigneur de l'enfant, que tout le monde t'entende. Et si tu fais cela, tu me tueras. Donc de là, a suivi toute la directive. Il a tiré, il a dit Bismillah Rabbil Ulam, et la flèche est partie se porter directement dans la tempe de l'enfant qui plaça sa main sur la tempe et qui mourut. On en prend quoi? La permission de la confrontation ou au débat en public pour toucher les gens, pour que les gens puissent voir cela et croire. Et cela quand? Lorsqu'on est en possession d'éléments. Car cet enfant fait des miracles que les gens ont vus. Ce n'est pas, il est venu avec de la philosophie, l'éloquence ou quoi, avec des miracles d'Allah Azawajal. Surtout sur la main d'un enfant. Et d'accord? Et le but n'est même pas forcément de convaincre l'adversaire, mais de convaincre l'auditoire, le public, les gens qui regardent, les suiveurs. C'est eux surtout qu'il faut convaincre. D'accord? Comme l'a fait Moussa alayhi salam avec Pharaon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendez-vous avec les sorciers. Les gens sont venus le jour Yom Yoshalun Nas, le jour où les gens se rassemblent pour que tout le monde voit bien. Mais bien sûr, ce genre de rencontres doivent rester dans les limites légiférées. Avec ilm, c'est pas tu fais ça à la télévision. C'est pas ça tu fais ça avec des femmes devant toi qui te parlent, qui sont dénudées. C'est pas tout cela. Là, tu fais tout cela avec des conditions shari'a, mashru'a. Des conditions mashru'a. Car les gens aujourd'hui le font, ils en font trop. Débattent inutilement dans des conditions illicites et de façon vaine et de façon innovée. Naam. Également, ce fait n'est pas une preuve, comme l'ont fait des gens comme Al-Qardawi ou l'Ikhwan al-Muslimoun ou les gens du Hamas en Palestine qui se servent de genre de hadith pour faire des attentats suicides. Car le suicide, shan'an, muharram min al-kaba'ir, qu'Allah azawajal, wa la taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima. Et ne vous tuez pas vous-même, car cet Allah est envers vous miséricordieux. Le suicide est haram parmi les kaba'ir. An Thabit ibn Duhak, radiallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامه. Que celui qui se tue par une chose dans ce bas monde, un objet, poison, arme à feu, pendaison ou défenestration ou autre, il sera châtié par ce même élément jusqu'à ce qu'il rende les comptes. يوم القيامه sera châtié par cela. Ce qui vaut que c'est parmi les kabaïr. Donc ce jeune garçon ne s'est pas tué de sa propre main. De plus, sa mort fut la cause de guider de gens. Alors que ceux qui se suicident tuent des gens qui des fois ne sont même pas concernés par les faits, des gens dont la vie est interdite, même s'ils sont des koufars, et en faisant cela, ils nuisent à l'image de l'islam. Car les gens disent, regardez ce qu'ils font ces gens-là. Tu vois que c'est une darwa? C'est pas une darwa. Contrairement à ce que cet enfant il a fait. Ça, c'était une darwa. Et Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, justement, en réfutant dans ce hadith ceux qui prennent les عملية تبييرية كم مويا مشروع il les réfute par ce hadith. D'accord ? Quand en disant quoi ? Ceux qui font cela, des fois, déjà ils se tuent eux-mêmes et ne tuent que très peu de personnes parmi les ennemis. 5, 6, 10 personnes, peut-être. Et parmi eux, ce sont parfois même pas des soldats ou des policiers. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? L'ennemi se venge et prend des dizaines et des dizaines de gens parmi les Palestiniens pour les tuer. Donc il s'est passé quoi au final ? Ça fait plus de mal à la Ummah que de bien. Donc c'est une erreur. Par contre, cher Ansami dit que les gens qui agissent de la sorte, qui ont un ta'ouil facile, qui ont cru ce qu'on leur a dit, il espère pour eux qu'ils soient excusés. Mais par contre, ceux qui auront émis la fatwa, qu'ils ont appelé à cela, lui, il en sera le péché. Non. Al-maut, mawa fachal. La mort n'est pas un échec. N'est pas un échec. Ni une perte. Top solution, la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une victoire pour celui qui meurt en shahid. D'accord ? وفي طاعه الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ان بصوتوا با que ceux qui ont été tués sous la voie d'Allah sont morts ils sont bien vivants auprès d'Allah en prenant leur subsistance والعاقبه للمتقين et la bonne fin pour les pieux. Donc de là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont dit, nous croyons au Seigneur de l'enfant, nous croyons au Seigneur de l'enfant, nous croyons au Seigneur de l'enfant. فوتي بالملك وقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس. Après, les gens sont rendus auprès du roi, ses gardes, ses notables, ils lui ont dit, as-tu vu donc ce que tu craignais? Eh bien, والله, cela est arrivé, les gens sont mis à croire, tu as voulu éviter cela, cela s'est quand même produit. كما قال سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah va accomplir sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم خسارة ثم يغلبون والذين كفروا لجهنم يحشرون. C'est à ceux qui ont mécru dépensent des sommes immenses afin de pouvoir faire obstacle à la voie d'Allah et les dépenseront. Cependant, elles seront pour eux un déficit pur. Ils finiront par être vaincus. Et ceux qui ont mécru seront traînés en enfer. Et Allah a décrété, il a dit, je vais certes triompher moi ainsi que mes messagers. Et certes, Allah est fort et puissant. Donc de là, le roi, il a fait quoi? Pensez-vous qu'il s'est arrêté? Comme Pharaon, il ne s'est pas arrêté. Il a poursuivi et voulu imposer son injustice. فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ. Il a ordonné que des feux soient allumés dans des fosses immenses. Et il a bien dit, soit les gens reviennent de leur religion, soit ils sont jetés au feu, ou soit ils rentrent dans le feu eux-mêmes. Donc de là, une femme est venue. Les gens, comme ils ont cru, ils n'ont pas eu peur, et ils se sont eux-mêmes mis dans le feu. De là, une femme est arrivée, une femme, avec son bébé. Elle craint pour elle, encore plus pour son enfant. Elle avait peur, c'est normal, la peur, la mort, ça effraie. Surtout une mort comme celle-ci, mourir brûlé vif, c'est parmi les morts qui sont les plus douloureuses. Pourquoi celui qui meurt brûlé vif, shahid? Comme cela est dans des hadiths, celui qui meurt brûlé, c'est un shahid. Donc que dire mourir brûlé vif? Fi sabilillah. C'est pas un accident là, ou quoi? Là on te dit soit tu rentres dans le feu, soit tu apostasies, soit tu rentres dans le feu. Donc elle a eu peur, cette femme-là. C'est naturel, une peur naturelle. D'accord ? Et de là, pour que Allah la consolide et la raffermisse, il a mis encore un miracle dans la bouche de son enfant qui lui a dit « Ya umma isbiri fainaki ala al-haq »« Ô ma mère, patiente, car tu es certes sur la vérité. » Pour qu'elle a avancé de là, elle s'est jetée dans le feu. Et cette histoire, qu'en est-elle, cette histoire de ces gens qui ont été mis au feu ? Ces histoires de Surat al-Buruj, les constellations, dans Juz Amma dans le Coran, comme qu'a dit Ta'ala « Wassamai zat al-Buruj » واليوم المعهود والشاهد المشهود قتل أصحاب الأخدود أنالزة الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Parce qu'Allah a dit, dans le sens où dans ce verset, quand il dit justement, ils ont marié à Koud lorsqu'ils ont été placés seulement au feu. Et ces gens-là, c'est-à-dire le roi et ses gardes, sont témoins de ce que les croyants ont subi. Et ils ne se sont pris à eux que du fait qu'ils ont cru en Allah, le puissant, le Hamid, le puissant, le loué. Celui qui a le royaume des cieux de la terre et Allah est témoin de toutes choses. Certes, ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyantes pour ce qu'ils n'ont pas accompli, c'est-à-dire pour aucun mal qu'ils n'aient fait, ils auront certes un châtiment, le châtiment du feu et un châtiment brûlant. Et ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, ils auront les Jannah, des paradis sur lesquels coulent des ruisseaux, et telle est la victoire immense. Donc ces gens-là ont subi, mais seront secourus après leur mort pour ce qu'ils ont enduré. Et comme ce jeune garçon, donc, هذا الذي أردنا بهذا الحديث طولنا عليكم اليوم والمعذرة للانقطاع. Et de là s'achève ce que nous avons voulu par cette intervention. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا ونجعلنا ممن يصبر عند الابتلاء ومن يشكر عند النعمة ومن يستغفر عند الذنب. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.